très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. When all the people receive true information of all that government does. Cette semaine, la démocratie aux États-Unis. Nous sommes le peuple élu. Nous portons l'arche des libertés du monde. Pionnier et héritier. Why two triangles? Un système qui en a vu d'autres. One right side up. One upside down. Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. Il faut lier le pouvoir politique à la puissance d'argent. C'est cela qui nous donnera, je cite, un bon gouvernement. Qui n'a-t-on pas compté dans le recensement? Que proclame la Constitution américaine? Qui a écrit la première biographie de Washington en français? Comment les États-Unis ont tranché la question de la forme du pouvoir? Les opposants doivent-ils être égaux? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode, aujourd'hui intitulé « Immigration et Constitution ». Ce qui suit est extrait d'un article signé en 1948 par le démographe américain Warren Thompson, intitulé « La population des États-Unis d'Amérique, accroissement et variation depuis 1790 ». En accord avec la Constitution des États-Unis, le premier recensement national eut lieu en 1790. La population recensée s'élevait alors à près de 4 millions d'individus, Amérindiens exclus. Les Blancs représentaient les 4 cinquièmes, les Noirs le cinquième. Bien qu'un tel nombre ne représente, au regard des densités actuelles, qu'une petite population, il témoigne d'un taux d'accroissement très rapide pendant les 175 ans qui, avant 1790, constituent la période d'établissement des Européens. Un certain nombre de recensements locaux et d'estimations faits durant l'époque coloniale indiquent que, au sein de maintes communautés, la population doubla ou même quadrupla presque en une nuit, si l'on peut dire, grâce à l'arrivée soudaine de quelques convois d'immigrants. Le fait se produisit fréquemment au-delà des Appalaches, quand la migration vers l'Ouest prit de l'ampleur. Mais, malgré ces cas particuliers, il apparut clairement au milieu du XVIIIe siècle à Franklin et à certains de ses contemporains, et un peu plus tard, à des observateurs étrangers comme Malthus, aussi bien qu'à nos propres économistes, que le taux d'accroissement naturel de notre population était extraordinairement élevé. On peut affirmer que presque depuis le début de notre essor colonial, cet accroissement tendit vers le maximum physiologique et contribua plus efficacement que l'immigration à notre développement numérique. Jean Effer, historien. Un phénomène qui a toujours été observé par les historiens américains, c'est que c'est très difficile d'immigrer et de réussir lorsqu'on est dans une première génération, sauf si on vit dans un ghetto ethnique. Alors là, tout reste pareil, si je puis dire. La nourriture, la religion, la langue, il n'y a pas de changement. Deuxième ou troisième génération, on s'intègre, on s'assimile, mais le risque, si on réussit trop bien son assimilation, c'est qu'on perd un peu ses racines, on ne sait plus d'où on vient. Et il y a souvent un phénomène de troisième ou quatrième génération où des enfants, par exemple, nés dans une famille italo-américaine, découvrent qu'ils ne savent pas un mot d'italien, qu'ils ne connaissent pas bien leurs racines et désirent retrouver un peu ce passé ethnique, national, s'il y avait une nation. Ce n'était pas toujours le cas lorsqu'on quittait l'Europe. Et là, il peut y avoir une redécouverte de racines qui est souvent imaginée ou fictive. C'est-à-dire que l'Allemagne, la nation allemande reconstruite par les germano-américains ou l'Italie reconstruite par les italo-américains est souvent une Italie ou une Allemagne qui a peu de rapport avec leur pays d'origine. Donc on se reconstruit une nation et ceux qui vont le plus loin dans cette réinvention de racines, cette refabrication de racines, ce sont les Noirs américains. Et pour cause, puisque eux ont quitté l'Afrique à une époque où, comme aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas de culture africaine, il y a des milliers de cultures différentes et de langues différentes, de régions différentes. Donc ils n'ont pas le souvenir d'une culture particulière, surtout qu'on ne leur permettait pas de... C'est-à-dire que lorsque l'esclave venait aux États-Unis, on brisait les groupes ethniques et linguistiques, si bien qu'ils n'avaient pas les moyens de préserver la culture d'un endroit particulier, l'Afrique par exemple. Donc ce sont des gens qui ont été déracinés au sens à la fois symbolique et physique du mot, et qui aujourd'hui essayent de se retrouver une culture africaine et qui s'inventent une culture africaine construite de toutes pièces et qui se centrent aujourd'hui dans les formes modernes de l'afrocentrisme, curieusement se centrent sur l'Égypte des pharaons auquel on plaque un peu artificiellement une espèce d'islam américanisé. C'est l'expérience séparatiste de Farrakhan, par exemple, avec sa Nation of Islam. Pour Farrakhan, les fondateurs, l'origine des Noirs américains, c'est les pharaons et le dieu Hathoun, le dieu soleil dans cosmologie égyptienne, qui serait l'ancêtre des Noirs américains, qu'il décrit comme les maîtres maçons de l'univers. Now, brothers, I want you to put up. Maintenant, frère, je veux que vous affichiez l'étoile de David. Oh, Lord. Oh, Seigneur. I know you're... Je sais que tu... Oh, C'est tout ce que je sais faire, frère, le rendre clair. Look. Écoutez. You got it up on the screen? Vous l'avez mis sur l'écran? Not yet. Pas encore. Oh, they fell asleep. Ils se sont endormis. Ok. Now I'm gonna step over to the board if you don't mind. Je vais aller au tableau si ça ne vous dérange pas. Give me a microphone, please. Donnez-moi un microphone, s'il vous plaît. Is it getting a bit much for you? Est-ce que ça commence à faire un peu trop pour vous? Sure? Non, monsieur. Now this star, David, êtes-vous sûr? It's very beautiful. Cette étoile de David est un très beau symbole. Look at it. Regardez-le. One, un, two, deux, three, trois, four, quatre, five, cinq, six, six, six sides, six côtés, six angles, one, six two, angles, three, four, un, deux, trois, quatre, cinq, six. And each angle, et chaque angle dans un triangle équilatéral fait combien de degrés? Say it loud. 60 degrés. Dites-le plus fort. 60 degrés. So the Bible says, vous avez donc 6, 6 et 6. Count the number of the beast. Ainsi la Bible dit: compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. 666. Allons au tableau. Why two triangles? Pourquoi deux triangles? One right side up. Un tourné vers le haut. One upside down. Et l'autre renversé. Now, I want you to put. Maintenant, je veux que vous affichiez le corps d'un être humain et superposiez l'étoile de David par-dessus le corps. Nous sommes à l'école aujourd'hui. Ok. Check it out. Regardez ça. See, when Muslims Voyez-vous, quand les musulmans prient, nous commençons ici. La main droite sur la gauche, autour de la taille. Votre tour de taille représente votre appétit. When you are enlightened, quand vous êtes éclairé, when your head is filled, quand votre tête est remplie de sagesse spirituelle, then your heart, your lungs, alors votre cœur, your head, vos poumons, votre tête reflète la sagesse spirituelle. Jésus a dit, et les apôtres ont dit, le fruit d'un esprit spirituel est l'amour, la paix, le bonheur, la joie, l'harmonie, la concorde, l'entente. Mais le fruit d'un esprit charnel est l'envie. La jalousie, l'inimitié, la haine, le conflit, le meurtre, la guerre. Maintenant, tant que ce triangle contrôle celui-ci, tout va bien. Mais quand nous perdons celui-ci, nous tombons dans celui-là. Affichez celui qui est renversé, juste celui qui est renversé. Vous voyez la pointe de celui-là, n'est-ce pas? Non, non, gardez-la une minute. Voyez-vous les sœurs? C'est tout ce que je sais faire. Écoutez les sœurs. Vous ne concevez pas vos habits. Vous laissez un fou concevoir vos habits et vous vous habillez avec ce qu'un fou a conçu. Vous avez un style de coiffure, vous les arrangez et ils descendent dans le V du cou. Et le V du cou vous fait penser à cette zone de vous-même. Non, vous ne l'avez pas entendu. C'est pourquoi vous aimez porter ces pantalons moulants, parce que le pantalon moulant expose le V. Did I say something wrong? Ai-je dit quelque chose de mal? It's the same with us men. You got on these tight pants. La même chose avec nous les hommes. Vous avez ces pantalons serrés qui tracent votre pénis. The sisters walking, they looking. That brother's heavily endowed. Ce frère est difficilement en doute. And when the brothers look at you, et quand le frère vous regarde, see, this is voyez-vous, your ça, ce sont vos seins. Montrons-les un so peu plus. Montrons notre décolleté. Let's show our cleavage. Claude Julien, journaliste. J'ai découvert, un peu par hasard, j'avoue mon ignorance, vous le saviez peut-être, que la première biographie de Washington en français avait été écrite par Guizot, champion de la démocratie. Et j'ai recherché ce texte, et là on apprend que c'est le gouvernement des États-Unis, à l'époque, qui a demandé à Guizot, en lui confiant des copies des manuscrits de Washington, le soin d'écrire cette vie de Washington. Cette biographie de Washington par Guizot est un chef-d'œuvre, car Guizot ne biaise pas, étant donné surtout l'époque à laquelle il écrit. Et on retrouve là les affirmations les plus solennelles de Washington et de Hamilton. Hamilton voulait d'abord une monarchie héréditaire, puis comme concession à cette masse, à cette pression des petits paysans, des artisans, de ces gens qui n'avaient que leur force de travail à louer. Il acceptait que la monarchie pourrait ne pas être héréditaire. Les anciens officiers de la guerre d'indépendance sous la conduite du colonel Louis Nicolas ont demandé à Washington de se proclamer roi d'Amérique. Washington a refusé. Et il a refusé en disant « il faut être fou pour préconiser cela à l'heure actuelle, ça ne serait pas accepté par le peuple. Mais notre système démocratique marche mal, on le réformera. Il marchera mal, on le réformera encore. Et comme il ne marchera pas mieux, nous pourrons adopter la monarchie sans courir le risque de guerre civile. » Il y a aux États-Unis un travail d'histoire, de recherche, de publication des archives, d'études critiques considérables. Eh bien, vous le savez, la plupart de ces ouvrages ne sont pas traduits en français. De telle sorte que ce qui paraît être agressif dans un public, devant un public qui ignore ces travaux américains, qui sont fort anciens, mais qui se poursuivent à l'heure actuelle, est considéré comme tout à fait normal par le public américain normalement cultivé. Et cette biographie de Washington par Guizot est précédée, voilà, plus d'un siècle, d'une note des éditeurs disant « L'histoire des États-Unis est très mal connue ». Et en particulier, ces conflits entre monarchie et démocratie, entre démocratie et puissance d'argent, capitalisme, est très mal connu. On sait très peu, comme j'ai tenu à le rappeler, que non seulement Hamilton, mais aussi le chancelier Quint de New York, mais aussi gouverneur Morris, insistaient pour que le Sénat fût le représentant des riches. Ils disaient certes, cela créera des conflits, mais il n'y a pas de société sans conflits. Et plus les riches représentés au Sénat avec un pouvoir politique considérable vont à se défendre contre la masse populaire qui, elle, ne sera représentée qu'à la Chambre des représentants, plus la société sera vivante. Mais il faut que le Sénat soit riche, et Hamilton disait, il faut lier le pouvoir politique à la puissance d'argent, c'est cela qui nous donnera, je cite, « un bon gouvernement ». Lorsque l'exécution de Louis XVI a été connue aux États-Unis, le lendemain de l'arrivée de la nouvelle, le journal que dirigeait par un intermédiaire Thomas Jefferson a publié en première page une caricature à peine croyable. C'était la place de la Concorde, la guillotine, mais dans la lunette de la guillotine, ça n'était pas la tête de Louis XVI, c'était celle de George Washington. Ce qui montre à quel point le conflit de classe qui se répercutait même à l'intérieur du premier gouvernement, entre d'un côté Washington et Hamilton très solidaires pour favoriser les liens entre le pouvoir politique et l'argent, et de l'autre côté Jefferson, qui malgré sa fortune personnelle est très démocrate, Jefferson représentait et était suivi par tout le petit peuple américain. Et ce qui est remarquable, c'est que tout au long de 2 siècles d'histoire, les héritiers spirituels et politiques de Tom Paine, de Patrick Henry, de Jefferson, de Samuel Adams, qui d'ailleurs très vite ont été éliminés de la scène politique américaine, très vite, ces héritiers politiques n'ont jamais cessé le combat pour instaurer en Amérique, contre ces puissances d'argent, la véritable démocratie qui supposait l'égalité des citoyens, qu'ils soient riches ou pauvres, et que ce combat fait la grandeur de l'histoire des États-Unis jusqu'à maintenant, cette tradition de lutte démocratique qui n'a jamais, jamais cessé. James Madison, qui est le père de la Constitution, a longuement expliqué que le rôle essentiel du gouvernement était de réguler, disait-il, les relations entre la classe riche et la classe pauvre, et à l'intérieur de la classe riche, les relations entre les différentes sources de richesse, terriennes, financières, commerçantes, etc. Car de là naissent les conflits d'intérêts, et les conflits d'intérêts sont la tâche première du gouvernement. Et Locke lui-même admet l'existence de groupes d'intérêts qui coïncident avec des classes sociales. We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. Article 1, Section 1. All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives. Section 2. The House of Representatives shall be composed of members chosen every second year by the people of the several states, and the electors in each state shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the state legislature. No person shall be a representative who shall not have attained the age of 25 years and been 7 years a citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an inhabitant of that state in which he shall be chosen. Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several states which may be included within this union, according to their respective numbers, which shall be determined by adding to the whole number of free persons, including those bound to service for a term of years, and excluding Indians not taxed, 3/5 of all other persons. The actual enumeration shall be made within 3 years after the first meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent term of 10 years, in such manner as they shall by law direct. The number of representatives shall not exceed 1 for every 30,000, but each state shall have at least 1 representative, and until such enumeration shall be made, the state of New Hampshire shall be entitled to choose 3, Massachusetts 8, Rhode Island and Providence Plantations 1, Connecticut 5, New York 6, New Jersey 4, Pennsylvania 8, Delaware 1, Maryland 6, Virginia 10, North Carolina 5, South Carolina 5, and Georgia 3. Claude Julien, journaliste. Le grand principe, le grand souci qui apparaît notamment à travers la lecture du Fédéraliste, tous les textes qui accompagnent l'élaboration de la Constitution, précise bien, et Madison a été particulièrement explicite sur ce point, qu'il faut faire en sorte, par la dispersion des centres de pouvoir, des centres de décision, il faut faire en sorte qu'aucun groupe ne puisse l'emporter sur d'autres groupes. On tente d'opposer la majorité, dans ces textes, la majorité à la minorité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les auteurs de la Constitution pensent en termes sociologiques ou socio-économiques. Ils ont peur qu'une grande masse, qui numériquement est celle des pauvres gens, n'impose sa volonté à une minorité qui serait la minorité des possédants. Tout ceci est parfaitement clair à la lecture de tous les débats sur la Constitution. Or, en fait, le problème n'a jamais pu se poser de cette manière. Il n'y a jamais eu une majorité et une unique minorité. La société américaine, comme toutes les sociétés, est composée d'une multitude de groupes. Et ces minorités, nombreuses, se sont plus ou moins coalisées au gré des circonstances. Faut-il rappeler que Roosevelt avait acquis une majorité en s'appuyant sur plusieurs minorités, qui étaient celles des syndicats ouvriers, qui étaient très minoritaires à l'époque, celles des paysans, très minoritaires, celles des Noirs, également minoritaires. C'est-à-dire que le jeu de coalition des minorités permettait de constituer une majorité politique de gouvernement qui, dans le cas de Roosevelt, a effectivement imposé des limitations aux abus de pouvoir de la minorité riche, la minorité capitaliste. Mais petit à petit, le mythe du melting pot dans lequel se seraient fondues toutes les minorités, en particulier les minorités d'origine ethnique, ce mythe vole en éclats, d'abord par la manifestation des Noirs, ensuite par le regain, la redécouverte de l'origine lointaine des immigrants qui se baladent avec des macarons conçus sur le modèle de « Black is beautiful », n'est-ce pas ? Alors, je suis italien, j'en suis fier, je suis slave, j'en suis fier, je suis balte, j'en suis fier, etc. Ce phénomène est très vaste. Les Indiens s'inscrivent dans ce courant et les femmes ont joué un rôle particulièrement dynamique dans cette campagne de réveil des minorités, refusant le consensus. Le consensus, c'est la définition théorique, mais nécessairement fausse, de la majorité. Et les femmes sont une minorité, bien plus nombreuse que la minorité noire, plus nombreuse que la minorité indienne, plus nombreuse que la minorité mexicaine. André Caspi, historien des États-Unis, au micro de Pascal Werner. Le tout premier recensement qui a été fait aux États-Unis date de 1790. Il y avait alors dans la toute jeune République 4 millions d'individus. Sur ces 4 millions, 750 000 étaient noirs et pratiquement tous esclaves. Ce qui veut dire qu'au moment où commence la Révolution américaine, il y a grosso modo aux environs de 3 millions de personnes qui vivent dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. Ils sont venus depuis le début du XVIIe siècle pour plusieurs raisons. La première de ces raisons est une raison religieuse. C'est vrai, par exemple, que l'arrivée du Mayflower en 1620 constitue un des éléments de cette migration religieuse, mais à vrai dire, la grande migration des puritains est légèrement postérieure. Et encore, quand je parle de raisons religieuses, ça ne se limite ni au Mayflower ni aux puritains, puisqu'il est venu par la suite d'autres représentants de religions différentes, comme par exemple les catholiques, mais aussi toutes les dénominations protestantes qui arrivent à la fois au XVIIe et au XVIIIe siècle. La deuxième raison qui amène un grand nombre d'Anglais jusqu'au rivage nord-américain, c'est une raison économique. Et je crois qu'il faut bien insister là-dessus. Par exemple, la Virginie, elle est fondée par des Anglais, qui ne sont d'ailleurs pas puritains, qui sont anglicans, et qui recherchent avant tout le profit. Ils essayent d'établir des plantations. Et cela veut dire en somme que ces colonies sont fondées à la fois sur la recherche d'un asile et sur la recherche du profit. Les deux vont ensemble. En fin de compte, au moment où la révolution commence, on peut estimer que 80 à 85% de la population sont constitués par des individus d'origine britannique. Évidemment, une grande partie d'entre eux sont nés sur le continent américain, mais il va de soi qu'ils se rattachent aux traditions, à l'histoire de l'Angleterre. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut bien insister sur le fait que l'histoire de l'Amérique du Nord commence en Angleterre et que c'est de ce point de vue-là une sorte d'excroissance de l'Empire britannique qui prend toute son ampleur sur le continent nord-américain. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une différence entre la population anglaise des îles britanniques et la population anglaise ou d'origine anglaise de l'Amérique du Nord. La première différence tient à l'hétérogénéité des origines. La deuxième différence tient à l'hétérogénéité des convictions religieuses. Et la troisième différence tient aux formes économiques que prend l'exploitation du continent américain. Et il est évident que ce que l'on fait en Angleterre, on ne le fait pas encore en Amérique, et qu'il y a toute une série de règlements économiques qu'on appelle le mercantilisme, qui empêche précisément les colonies d'Amérique du Nord de connaître le développement auquel beaucoup d'entre elles aspirent. Et c'est ce qui, petit à petit, va distinguer ces deux parties de l'Empire britannique, c'est-à-dire la métropole et les colonies d'Amérique du Nord, étant entendu que les Anglais d'Amérique du Nord continuent à considérer, pour la plupart d'entre eux, que leur origine, leur métropole, leur mère patrie, c'est l'Angleterre. Il y a d'ailleurs une expression qui ne trompe pas, c'est que dans bien des milieux d'Amérique du Nord, quand on dit que l'on va « home », ça veut dire que l'on va en Angleterre, on va chez soi, en Angleterre, on va à la maison. Donc ça signifie qu'il y a une forme de rattachement par les mentalités à l'Angleterre, même si ce rattachement est plus idéal que réel. Demain, la suite de cet épisode intitulé « Origine et destinée », une réalisation d'Isabelle Barthes.